terminus de la nuit, tous les destins sont écrits sur le tableau lumineux des départs. Il y a des valises et il y a des gens, et leur silence est pesant, et la musique joue pour passer le temps. Et la princesse est sur un banc, solitaire et endormie, dans la chaleur de son photoroman. Elle s'en retourne ce soir, et dans son rêve évanoui, Montréal a la couleur de l'ennui. On est toujours inconnus au terminus de la nuit. On est une ombre que le néon poursuit. Jusqu'à l'heure du départ, quand le restant du monde nous oublie. Y'a la serveuse du restaurant, on voudrait l'appeler maman, on voudrait lui raconter nos péchés. Quand elle s'approche, on peut voir que ses cheveux sont bien noirs, mais elle est blonde pour faire plaisir au client. Et le client est une vedette de la vie quotidienne, un acteur au théâtre des semaines. Il redemande une bière, c'est le grand rôle de sa carrière. À la fin, il sort en saluant. On est toujours inconnus au terminus de la nuit. On est une ombre que le néon poursuit. Jusqu'à l'heure du départ, quand le restant du monde nous oublie. On annonce un départ pour une ville dans le nord. Premier appel pour le jugement dernier. Un autobus noir et blanc ouvre ses portes et attend que les élus se décident à monter. Et j'ai ma place tout au fond, loin du chauffeur et des bouffons. Et notre histoire me revient tout à coup. Dans le fracas du moteur, la nuit s'ébranle et j'ai peur. On vient de jouer la fin de la partie. Et le perdant s'en retourne chez lui. On est toujours inconnus au terminus de la nuit. On est une ombre que le néon poursuit. Jusqu'à l'heure du départ, quand le restant